Chapitre 6e. La maman, si exaltée quelques minutes auparavant, avait tendu la main à son fils et comme il était venu s'asseoir près d'elle, elle tenait la main qu'il lui avait donnée entre les siennes. « Mon pauvre garçon, » répétait-elle, « mon pauvre garçon. »« Tu as raison de te plaindre, » dit-il, après avoir consulté sa femme d'un rapide coup d'œil. « Il est vrai que nous t'avons caché la vérité. »« Ah, pourquoi ? Pouvais-tu avoir une meilleure confidente que ta mère, un autre soutien ?»« Je ne voulais pas t'affliger, t'inquiéter. Tu as besoin de calme, de repos, et tu n'es que trop disposé à te donner la fièvre. » « À quoi bon te tourmenter pour des embarras qui devaient, semblait-il, être de peu de durée ?»« Si vieille que je sois, je ne suis pas en enfance. Je n'avais pas mérité que tu me fisses injustement ce chagrin, m'éloigner de toi, nous séparer. Je ne comprends pas qu'une pareille pensée ait pu te venir. » Madame Adeline avait pour principe de ne jamais intervenir entre son mari et sa belle-mère. Mais c'était à condition que, d'une façon directe ou indirecte, elle ne fût pas elle-même prise à partie. Dans ces derniers mots, elle vit une allusion à son influence et ne voulut pas la laisser passer sans répondre. « Permettez-moi, maman, de vous faire observer qu'il nous était bien difficile de nous plaindre de nos embarras, sans paraître en faire remonter la responsabilité à l'effort que nous nous sommes imposés pour rembourser votre part. Car c'est à partir de ce moment même que notre gêne a commencé. Nous avions compté sur de bonnes années, nous en avons eu de mauvaises. Fallait-il à chaque perte ou à chaque inventaire vous dire « voilà la solution. Cela eût-il été discret et délicat, nous ne l'avons pensé, ni Constant, ni moi. Je ne l'ai pas plus influencé qu'il ne m'a influencé lui-même. Cela s'est fait tacitement, spontanément, entre nous. D'ailleurs, je pensais comme lui que ce n'était vraiment pas la peine de vous tourmenter pour les embarras qui, pour moi comme pour lui, semblaient ne pas devoir durer. Et quand avez-vous vu qu'il durait? Il était trop tard pour vous porter un si gros coup. Enfin, quels sont-ils? Se fait Adeline, qui sur un signe de sa femme reprit la parole. « Un mot va te répondre. Tu as vu les 50 000 francs que j'ai remis à Hortense en arrivant. D'où crois-tu qu'ils viennent? De chez un banquier? De chez un ami? Encore le mot ami est-il trop fort? En réalité, de chez une simple connaissance à qui je n'aurais jamais pensé m'adresser, qui est venue à moi et qui m'a presque fait violence pour que j'accepte ce prêt. » Sa femme le regarde avec une telle surprise qu'il voulut tout de suite la rassurer. « C'est le vicomte de Mussidan, de qui je t'ai parlé, que je rencontre chez mon collègue le comte de Chalus toutes les fois que j'y vais. Un homme du monde, charmant, très lancé. Je dînais hier chez monsieur de Chalus et le vicomte de Mussidan, comme toujours, s'y trouvait. On n'a guère parlé que de la débâcle des bouteillers, qui tenait dans le monde parisien une place égale à celle qu'ils occupaient dans le commerce. Sans avouer l'embarras dans lequel elle me mettait, je n'ai pas caché qu'elle était un coup sensible pour nous. » Et qui se produisent aussi mal à propos que possible. Quand je suis sorti, M. de Mussidan m'a accompagné. Nous avons causé des bouteillers, longuement causé. Très galamment, il s'est mis à ma disposition, me demandant d'user de lui comme d'un ami, qu'il serait heureux de m'obliger. Enfin, tout ce que peut dire un homme aimable. Je l'ai remercié, mais bien entendu, j'ai refusé. Ce matin, il est venu chez moi et a recommencé ses offres de service d'une façon si pressante que j'ai fini par accepter ses 50 000 francs. Il se serait fâché si j'avais persisté dans mon refus. Voilà qui est bien étonnant, dit la maman. Qui serait étonnant de la part de tout autre, mais qu'il est beaucoup moins de la sienne. C'est, je vous le répète, le plus charmant homme que j'ai rencontré. Et si je ne suis pas son ami, je crois pouvoir dire qu'il est le mien. Jamais personne ne m'a témoigné autant de sympathie. S'il connaissait Berthe, je croirais qu'il veut être mon gendre. Peut-être veut-il être tout simplement celui de la maison Adeline. Dit la maman. Je crois que la maison Adeline ne dit pas grand-chose à un jeune homme lancé comme lui, et vivant dans un monde où la gloire des maisons de commerce n'est pas cotée. Quoi qu'il en soit, les choses sont ainsi. C'est lui qui m'a prêté ses 50 000 francs, et il nous rend un service, dont nous devons lui être reconnaissants. En es-tu donc là, mon pauvre enfant, de ne pas pouvoir trouver 50 000 francs? S'écria la maman. Non, Dieu merci! Mais j'en suis là de savoir gré à celui qui m'épargne le souci de les chercher. Au lendemain de la débâcle des bouteillers, dans laquelle on sait que nous sommes pris, il est bon qu'on ne croie pas, dans notre monde, que je puis avoir un besoin immédiat de 50 000 francs. Notre crédit, déjà bien ébranlé, s'en serait mal trouvé. Le prêt de ce garçon nous donne le temps de respirer et de nous retourner, n'est-ce pas, Hortense? Assurément, surtout si, comme tu l'espères, les bouteillers reprennent leur paiement. Mais enfin, demanda la maman. « Comment cette situation s'est-elle créée? Comment en est-elle arrivée là ?»« Ah, comment, comment ?» dit Adeline en secouant la tête d'un geste découragé. « Pourtant, » continua la maman, « il n'y a rien à dire contre Hortense, elle administre aussi bien que possible. » « Si l'administration seule pouvait faire la fortune d'une maison, la nôtre serait superbe. Malheureusement, elle ne suffit pas. Il faut la direction, il faut des circonstances, et la direction a été mauvaise, comme les circonstances depuis quelques années ont été désastreuses. » « La direction mauvaise, » interrompit la maman, « mais c'est toi le directeur. » « Eh bien, j'étais un mauvais directeur. Je me suis endormi dans le succès, comme d'autres comme moi se sont endormis à Elbeuf. Nous faisions bien. » Nous avons cru qu'il n'y avait qu'à continuer à bien faire, que nous aurions toujours l'exportation, et que nous battrions l'importation parce que nous lui étions supérieurs. L'exportation a diminué à mesure que l'outillage des pays étrangers s'est développé, et l'importation nous bat, parce qu'en France on aime le nouveau et l'original, et que les commissionnaires, comme les tailleurs, ont intérêt à vendre au prix qu'ils veulent des étoffes dont on ne connaît pas la valeur vraie. Nous nous sommes spécialisés dans notre supériorité, et au lieu de développer par la science professionnelle le sens de la transformation et de la mobilité, nous avons vécu pieusement sur le passé, sur le foulé, sans nous apercevoir que le foulé ne pouvait pas être éternel. La mode n'en veut plus, nous voilà à bas. Qu'importe que nous produisions bien si on ne veut pas de nos produits et si nous les vendons à perte, c'est là que ma direction a été mauvaise. Fier de ma supériorité, je me suis conduit en artiste, non en commerçant. Tu as été un Adeline, dit la maman. « Peut-être. Mais tandis que j'étais un Adeline des temps passés, d'autres étaient les hommes de leur temps, marchant avec lui, au lieu de rester tranquille comme moi. On nous oppose souvent Roubaix, et c'est quelquefois avec raison, surtout pour son flair à imiter et à perfectionner les tissus, à transformer son outillage pour lui faire produire l'article du jour. C'est là qu'était la source de sa fortune industrielle. C'est la souplesse, c'est l'esprit d'initiative » qui lui ont fait produire l'article de Lyon pour l'ameublement et la soierie légère, l'article de Saint-Pierre-les-Calais, en tissant sur des métiers mécaniques la dentelle et la robe en laine et en chape, la rouennerie, la cotonnade d'Alsace, la draperie anglaise. Qu'il y ait demain de l'argent à gagner en tissant de l'emballage, et Roubaix se mettra à l'emballage, qu'il tissera aussi bien que les étoffes de prix. Le jour où la mode a décidé que les vêtements de femmes seraient en petite draperie, Roubaix a fait de la petite draperie. Puis il a pris aux Anglais la draperie nouveauté pour hommes, et il l'a fabriquée mieux qu'eux et à meilleur marché. C'est ainsi qu'il a commencé sa concurrence contre nous, aidé par les tailleurs qui achètent le Roubaix moins cher que l'Elbeuf, et le revendent comme Anglais au prix qu'ils veulent. C'est vulgaire d'être habillé en Elbeuf, c'est chic de l'être en Anglais, de Roubaix. À un moment j'ai pensé à me lancer dans cette voie. « Je te l'ai assez demandé !» interrompit Madame Adeline. La maman jeta un regard indigné à sa bru, à laquelle elle avait plus d'une fois reproché d'être une mauvaise Elbeuvienne. Il est certain que pour la nouveauté, il était possible de faire à Elbeuf ce qu'a fait Roubaix, et de développer le tissage mécanique. C'est même là, sans aucun doute, que sera l'avenir. Mais combien de difficultés dans le présent qui m'ont inquiété? Où trouver les ouvriers en état de conduire ces métiers? Comment les rompre, du jour au lendemain, à ce nouveau système? Comment affiner la délicatesse de leur toucher et de leur vue de manière à passer brusquement de nos fils d'hier aux fils ténus d'aujourd'hui? Le métier à la main bat 25 coups à la minute. Le métier mécanique en bat de 60 à 70. Il faut, pour suivre la rapidité de ces métiers, une légèreté de main et une finesse d'œil que nos ouvriers n'ont pas présentement et qui ne s'acquièrent pas en un jour. Jamais on ne fera de la belle nouveauté sur les métiers mécaniques, affirma la maman avec conviction. Du Roubaix, de l'Anglais peut-être, de l'Elbeuf non. Sans engager une discussion sur ce point avec sa mère, ce qu'il savait inutile, il continua. Une autre raison encore m'a retenu, la mise de fond de l'outillage. Pour une production de 3 millions par an, il faut 120 métiers prêts à battre et à remplir les ordres. Chaque métier coûtant 2 500 francs, c'est un ensemble de 300 000 francs. Avec l'immeuble, la machine à vapeur et les outils accessoires, il faut compter 200 000 francs. Bien entendu, je laisse de côté la teinture et la filature qui doivent s'exécuter au dehors avec avantage. Mais j'ajoute l'outillage pour le dégraissage, le foulage et les apprêts, qui ne coûtent pas moins de 200 000 francs, et j'arrive ainsi à un chiffre de 700 000 francs. Je ne les avais pas. Cela fut dit en glissant et à voix basse, de façon à ne pas l'appliquer directement à la maman, et tout de suite, pour ne pas laisser le temps à la réflexion de se produire, il reprit. Enfin, une dernière raison qui, pour n'être d'un ordre différent, n'a pas été moins forte pour moi, m'a arrêté. Ce qu'il y a de bon dans notre travail elbeuvien, que tu as bien raison d'aimer, maman, c'est qu'il s'exécute en grande partie chez l'ouvrier qui n'est pas à la sonnette, comme on le dit ici justement, qui est chez lui, dans sa maison, à la ville ou à la campagne, avec sa femme et ses enfants, auxquels il enseigne son métier par l'exemple. L'individualité existe et avec elle l'esprit de famille. Au contraire, dans l'usine, l'individualité disparaît comme disparaît la famille. L'ouvrier perd même son nom pour devenir un numéro. Il faut quitter le village pour la ville, où le mari est séparé de sa femme, où les enfants le sont du père et de la mère. Plus de table commune autour de la soupe préparée par la mère. On va forcément au cabaret pour manger. On y retourne pour boire. Je n'ai pas eu le courage d'assumer la responsabilité de cette transformation sociale. Je sais bien que pour la terre comme pour l'industrie, tout nous amène à créer une nouvelle féodalité. Mais pour moi, je n'ai pas voulu mettre la main à cette œuvre. Justement, parce que je suis un Adeline, et que 200 années de vie commune avec l'ouvrier m'ont imposé certains devoirs. J'ai reculé. Sans doute d'autres feront, et prochainement, ce que je n'ai pas voulu faire. Mais je ne serai pas de cela, et cela suffit à ma conscience. Je n'ai pas la prétention d'arrêter la marche de la fatalité. Voilà pourquoi, revenons à notre point de départ, je trouve que la demande de sec ne doit pas être accueillie par un brutal refus. Ma tâche est finie, la leur commence, ils sont dans le mouvement. Dans tout ce que tu viens de me dire, rien ne prouve que tu ne peux plus marcher, interrompit la maman. Ne le peux-tu plus? Je suis entravé, je ne suis pas arrêté, voilà la stricte vérité. Eh bien, marche lentement, petitement, en attendant que la mode change et que notre nouveauté reprenne. Les jeunes gens se lasseront d'être habillés comme des grooms anglais et de s'exposer à se faire mettre 40 sous dans la main. Ce qui est bon, ce qui est beau, revient toujours. Attendre, il y a longtemps que nous attendons. Il en est chez nous comme à Reims, où de père en fils, on s'est enrichi à fabriquer du mérinos, et où l'on continue à fabriquer du mérinos, alors qu'il ne se vend plus que difficilement. On attend qu'il reprenne et on se ruine. Eh bien alors, retire-toi des affaires et vis avec ce qui te reste, avec ce que tu sauveras du naufrage. Mieux vaut que la maison Adeline périsse que de l'avoir passée entre les mains de ces juifs. Et Berthe, mieux vaut qu'elle ne se marie jamais que de devenir la femme d'un juif.